Prononciation. L'accent tonique. Activité 1, page 22. Écoutez et soulignez les syllabes accentuées. Où se situe l'accent tonique en français ? Moi, c'est Bruno. Moi, c'est Bruno Dupont. Tu es content ? Tu es content du prof ? Tu es content du prof de français ? Une idée ? Quelle idée ? Une bonne idée !